métier, c'est métier même, ça ouais. Hein. Maman Khalil, papa Khalil, c'est toujours de même. Chien habitué à manger ze, c'est ze pour manger. Fini sans peine pour le bail maman.